Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions en 1944. Il y a 75 ans, la résistance vivait les heures cruciales de la libération. Le courage ne manquait pas, mais les moyens financiers faisaient défaut. Dans le plus grand secret, le 26 juillet 1944, à Neuvic, en Dordogne, les FFI détournent un wagon de la Banque de France. À bord, 150 sacs bourrés de billets, un pactole, soit plus de 430 millions de nos euros, qui stimula l'action des maquis. Vous les avez entendus hier, ils étaient là, ces résistants. Ils ont porté, tenu, déchargé ces dizaines de sacs pleins à craquer. Aujourd'hui, nous retournons dans les bois, près de Périgueux, pour la suite de l'histoire des milliards de Neuvic. Neuvic, 58 minutes d'arrêt. Olivier Chaumel, Anne-Laure Chanel, Yvon Croisier. Second épisode, la volatilité de l'argent liquide. Ils sont passés à la barrière de la gare marchandise, là. Ils sont partis en trombe. Évidemment, ça pressait parce qu'ils avaient peur que les Allemands arrivent. Parce que tous les carrefours des alentours étaient gardés. Parce que le train, quand il s'est arrêté en gare, là, il a été pris en feu croisé par deux fusils mitrailleurs, et les gars étaient camouflés partout dans le parc, ou dans les remblais, ou derrière l'abri de la gare voyageurs, là. Il y avait un petit abri en face, là, et parce qu'on disait, c'est les Allemands qui viennent, parce qu'ils disaient au chef, qu'est-ce que c'est qui arrive? Vous le verrez, au coup de sifflet, on dira ce qu'il faut faire. Alors j'ai dit non, j'ai dit ne faites pas ça parce qu'au coup de sifflet, ça ne veut rien dire. J'ai dit parce que nous, quand on reçoit un train, on siffle. Alors le chef de l'expédition a dit bon, mais à deux coups de sifflet, ça voudra dire que il faudra être sur vos gardes, hein, et qu'on attaquera. Mais vous étiez rassuré, Gilbert Duchose? Pas du tout. Pendant, ça a duré une bonne heure. Le temps qu'on est resté en gare de Neuvic pour décharger, je sais pas combien, peut-être 2 tonnes de sacs finance, tout ça, il y avait un plein fourgon. Alors les deux camions qui sont partis, ils ont franchi la barrière de la gare en trombe. Ça faisait un nuage de poussière. Alors moi j'étais dehors aussi, je regardais. Tout d'un coup j'ai gueulé, je leur ai dit aux gars, j'ai dit attention les gars, arrêtez-vous. Et ils avaient tombé un sac finance qui pesait je sais pas combien, il y en a vu pour combien, je sais pas, dedans. Alors ils se sont arrêtés. Ils ont descendu du camion, ils ont attrapé le sac comme un sac de pommes de terre, ils l'ont relancé dans le camion, ils ont sauté dans le camion, ils sont repartis. Alors, ça fallait voir un peu, c'était le vrai Far West, hein. Un peu c'était pittoresque, hein. Là c'était le vrai Far West. Mais alors là j'ai vu ces milliards passer devant moi, je ne les ai plus revus, Et... Gare de Neuvic-sur-l'Isle, Dordogne. Le 26 juillet 1944, la résistance intercepte, en un hold-up magistral et sans violence, la somme de 2 milliards 280 millions de francs. Le trésor est en route de l'agence de la Banque de France de Périgueux vers celle de Bordeaux, qui l'attend toujours. Vous étiez soulagé que ça se termine? Ah ben oui, parce que ça aurait pu mal tourner. Il se trouve qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Mais c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas été prévenus, il n'y avait que le maquis qui était au courant, et donc ça s'est bien passé. Mais les Allemands étaient à Saint-Astier, en gare de Saint-Astier, à quelques kilomètres, il ne fallait pas qu'ils le sachent. Alors, comme le train avait 3 minutes d'arrêt, et que quand même il est resté fort longtemps pour décharger 2 tonnes de sacs finance, ça met un moment. Ah oui, donc les autres trains ont pris du retard. Ah ben bien sûr. Alors, la gare de Saint-Astier m'a téléphoné, m'a dit « Mais tu ne rends pas la voie aujourd'hui ?»« Non, non, mais on ne rend pas la voie parce qu'on a un wagon des usines de chaussures de Marbeau à mettre au train, parce que c'était autorisé des fois. En demandant au poste de commandement de la gare de Limoges l'autorisation d'accrocher un wagon de chaussures au train voyageur, on pouvait le faire sur leur autorisation. » Alors moi, je jouais là-dessus, j'ai dit, on a un wagon de chez Marbeau, ça s'appelait là, chez Marbeau ou chez Bata à l'époque, on a un wagon à accrocher, et on manœuvre. Je dis, non, mais vous mettez votre temps aujourd'hui. Parce que quand il y a 3 minutes d'arrêt, vous vous rendez compte que ça a duré. Quand on décharge, ils ont déchargé les sacs finance à la chaîne, mais 2 tonnes de sacs, ça n'a pas pris 3 minutes. Pardon, m'excusez-moi. Et là, quand ça a été terminé, quand ça a été chargé, à toute vitesse, on est parti pour les déposer. Mais encore une fois, on ne savait pas où on allait. Ça vient que il y avait un chef avec le chauffeur pour guider le camion, mais on ne savait pas si c'était loin, si c'était près. On s'est rappelé qu'on est passé à Vers. Alors là, à Vers, on a essuyé un orage formidable. Oh. Alors, dans le camion, on a mis les sacs de cham, et après des sacs en travers dessus, et on s'est glissé entre les sacs. On rigolait, parce qu'on disait, on se vautre dans les milliards. On rigolait, parce qu'on disait, jamais plus ça nous arrivera. Oui, on s'est mis à l'abri avec des milliards. Là, on savait ce qui se passait. Alors, pour vous dire aussi, en partant de la gare, le camion était tellement chargé. Il y en avait deux, mais le gros, il est tellement chargé que les sacs tombaient derrière. Il a fallu s'arrêter pour les recharger. vous ne vous attendiez pas à une telle masse, à une telle quantité de marchandises ? Non. On a trouvé que ça faisait beaucoup. Oui, ça faisait beaucoup. Quand, en lisant les étiquettes sur les sacs, on disait, ouais, il doit y avoir pour des ronds là-dedans. Alors après, ils nous ont amenés, on ne sait pas où, une nuit noire. Il faisait clair comme, je vous le dirai pas, c'était noir. Et alors là, ils nous ont amenés, alors après, et alors il a fallu décharger les sacs, ils nous les ont fait porter à combien ? Du camion à 150, 200 mètres. Le camion s'est enlisé, il a pas le camion s'était enlisé. Mais près de la destination. Près de la destination. Oui. Et il y avait un gars de chez nous qui les comptait. Et quand on a eu terminé, les 150 sacs sont bien rentrés dans cette soute. Le compte était bon. Et le trajet entre Neuvik et l'endroit où vous avez déposé la cargaison, ça a duré des heures et des heures. Il m'a allé doucement le camion. Hein. Pas des heures. Il roulait. Ça ne faisait pas tellement de temps. Écoute, on est parti de Neuvik, il faisait jour. Oui. Et où on est arrivé, quand on est arrivé... Il faisait une nuit. Il était tard. Hein, et le lendemain, on a eu un rapport au drapeau. Et le lieutenant Gandouin nous a dit qu'il n'y aurait pas de prime, qu'on ne toucherait rien, que nous étions des soldats et qu'on n'était pas venus pour gagner de l'argent. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. Il a dit, il n'y aura pas de prime, nous sommes des soldats, nous sommes pour servir la France, il n'y aura pas d'argent. Et il n'y en a pas eu. On l'avait murmuré, puis on y croyait un peu, puis... Bien sûr, on l'aurait touché, s'il nous en avait donné. Voilà. Et alors quand même, il y a une histoire cocasse quand même. Après la remise des sacs, on a eu droit à une petite sauterie. Oui. On a eu droit à une petite sauterie, c'est-à-dire on nous a invités... à manger un petit bout de pain. On nous a amenés sous une tente où il y avait un gros tas de boîtes de sardines. Alors ce gros tas de boîtes de sardines, on n'a pas touché au billet, mais on avait récupéré quelques boîtes, parce qu'on ne mangeait pas notre aise au camp. On ne mangeait pas notre aise. Alors on avait récupéré quelques boîtes. Il y avait un gros tas de boîtes de sardines, on était deux fois gros comme ce buffet-là. Et il est arrivé un chef qui nous a dit « Vous êtes des pillards !» Si on vous trouve avec une boîte de sardines, on vous fusille. On entendait, paf, paf, les boîtes de sardines qui tombaient par terre, vous savez. Eh bien, après, ils ont ouvert quelques boîtes, on en a mangé une avec un petit bout de pain gros comme ça. Il y a un aspect un peu ironique de cette histoire, quand même, de manger des sardines et encore très rationnées, assis sur des milliards en billets. Jean Boussary, Jean Faucoulange. Les sardines, on pensait en profiter, seulement les chefs qui étaient à ce château... Ils voulaient les garder pour eux, ils n'ont pas voulu que... Bon, alors... on reprend où on en était. C'est-à-dire que, comprenez, le train avec 3 minutes d'arrêt. Quand il faut décharger 2 tonnes de sacs finance, ça a pris plus de 3 minutes. Et en plus, il a fallu remonter aux aiguilles... Le ramener sur le train, refaire les freins qu'on appelle, il faut gonfler les boyaux, Et puis, ça prend du temps. Mmh. Alors, voyez un peu le temps que ça a pris. Vous saviez ce qu'il y avait dans les sacs, Gilbert Duchaux ? Eh bien, c'est-à-dire que... Non, mais je l'ai su après. Parce que moi, je ne pouvais agir, moi, expédier un train, par exemple, le recevoir, que sur ordre, j'étais élève. Alors, un des adjoints du chef de gare, nommé Dubois, et c'est lui qui devait expédier le train. Alors... Oh, écoute, petit, la tête m'en tourne. Expédie le train, toi. Je vais le droit sur ordre. Alors, j'ai dit au mécano, quand je vais te faire signe, tu démarreras. Mais il était énervé. Depuis le temps qu'il attendait, il voulait rattraper le temps perdu et il a fait une bêtise monumentale qui aurait pu coûter très cher. Alors, j'ai dit au mécano, quand je te ferai signe, tu démarreras. Mais oui, mais dépêche-toi, il était pressé comme tout. Et alors, normalement, au point de vue sécurité, on ne doit rouler qu'à 30 à l'heure. Mais lui, il a tellement accéléré que lorsque je lui ai fait signe de partir, je tenais l'aiguille talonnée, il fallait la talonner à la même. Ça vibrait, ça vibrait. Et j'ai dit, si je lâche, le train entier déraille. Il va dans le pré en bas. Alors comment je vais faire? Alors, il a accéléré, accéléré, accéléré. Quand il a quitté le dernier fourgon de queue là, du train, le dernier essieu est passé sur mon aiguille, j'étais prêt à lâcher, j'en pouvais plus, le train entier aurait été dans le remblai. Enfin, ça s'est bien terminé, j'ai dit, ouf, le train est parti, maintenant tant mieux. Il est reparti vers Bordeaux. Il est reparti sur Bordeaux, voilà, il est reparti sur Bordeaux. Il a fini par arriver plus tard, mais sans les milliards. Et délesté de ses milliards. Enfin, bon, bref, ça s'est bien terminé, j'ai dit, ouf, et tant mieux. Et oui, alors voilà comment ça s'est passé. L'affaire porte sur 2 milliards 280 millions de francs. C'est considérable, c'est vertigineux. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Ah, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? L'argent arrive dans les bois de Cendrieux dans la nuit qui suit l'opération. Ce qu'on fait de l'argent, bon, il arrive au siège de l'état-major des forces françaises de l'intérieur. Où apparaît aussi, au sein de cet état-major, un personnage de la dernière heure qui s'appelle le préfet du Maquis, qui a été nommé commissaire du gouvernement par le pouvoir gaulliste et qui est un transfuge de l'administration de Vichy. Bien des années après, on s'apercevra que lui aussi s'était inscrit dans la machine collaborationniste. Lui aussi, en tant qu'inspecteur d'académie, avait procédé à la révocation d'instituteurs juifs. Mais en 1944, c'est quand même un homme de pouvoir qui arrive là. C'est l'homme de la future autorité républicaine. Donc il est là avec l'état-major des FFI où les partis communistes n'est a priori pas représenté. Alors mais ce que font les résistants dans un premier temps, c'est quelque chose d'assez logique. C'est-à-dire que quand on a un tel pactole entre les mains, on ne conserve pas le pactole au même endroit, on le répartit. Et l'argent, donc une fois qu'il est transféré à la préfecture de Cendrieux, que le préfet du Maquis en prend possession officiellement, il confie à son trésorier, qui est un homme parfaitement intègre, parfaitement droit, Prosper Risa, qui est un militaire de carrière lui aussi, et qui tient un compte très précis de tout ce qu'il va faire. Il n'a pas reçu 2 milliards 280 millions, parce que pendant le temps de transfert, il y a quelques sacs qui se sont égarés, qui sont tombés. Vous savez, les chemins sont caoutchouteux, nids de poules, etc. Et puis, dans le noir de la manipulation à l'arrivée, il y en a un ou deux qui semblaient avoir glissé des mains, etc. Mais tout est scrupuleusement noté. Et dès le lendemain, lorsque on lui demande d'alimenter certains organismes, comme les services de secours, de santé, de machin, ou bien des gens qui viennent de Corrèze en disant « mais vous avez beaucoup d'argent, nous il nous en faut », tout est noté immédiatement, donc ça sert bien. Puis il faut nourrir tous ces gens, hein. Ça représente des milliers de garçons qui sont dans le maquis, je vous dis, et les épiciers, les bouchers, on en a marre d'être rançonnés. C'est un climat d'hostilité vis-à-vis de la résistance qui pourrait monter et qu'il faut atténuer d'un seul coup. Et avec de l'argent frais qui a valeur courante en France à ce moment-là. Maintenant, autre chose qu'il faut insister. Sur l'argent, sur les sacs, j'ai lu un compte rendu où il y a marqué que 2 millions ont été perdus lors du transport. Non, ça, c'est pas vrai. C'est faux, faux, faux. C'est une malhonnêteté comptable. Pour arriver à des chiffres qui sont justes, ces gens-là ont marqué n'importe quoi. Les sacs ont été déposés. On a mangé une boîte de sardines et on est parti. Si ça a été fauché, c'est après. Et le compte était bon quand on a fini déjà. Ah ça non, hein. Mais ça, c'est Naboulet qui les pointait. Et quand on a fini, les 150 sacs étaient pilés, c'était coché. Le compte était bon. Maintenant, Jean, tu étais au camion, toi. Ouais. Tu étais au... Tous les sacs te sont passés dans la même. Est-ce que tu as vu qu'on ait ouvert un sac pour voir s'il y avait des billets? Non. Mais l'étiquette nous suffisait. Ah oui, leur connerie. Hein. Non, il n'y avait aucun sac d'éventré. Aucun sac d'éventré. Ah. Les sacs étaient tous intacts. Non. Ils étaient trempés, mais en fait, ils étaient intacts. Oui. C'était des sacs neufs. Ils étaient aussi raides que la table, là. Oui. C'était des sacs neufs. C'était comme de la bâche. Qu'est-ce qui vous irrite dans la façon dont on peut raconter cette histoire? Moi, ce qui m'irrite dans cette histoire... C'est-à-dire que on a passé 50 ans sans en parler, même entre nous. Pendant 50 ans, vous n'en avez pas parlé. Ah non. Vous aviez bien quand même conscience d'avoir participé à une action d'éclat. Non. C'est tout. Non. C'était passé. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous prenez 2 milliards et quelques et ça vous fait ni chaud ni froid. On n'y a pas attaché d'importance. 2 milliards 280 millions. Oui, mais vous pouvez interroger tous ceux qui y étaient, vous diront-ils comme nous. Non, point. Ça n'avait aucune importance pour nous. Absolument aucune. La seule importance qu'il y a eu pour nous les jeunes, je vous le répète, c'est d'avoir participé. Ça aurait été autre chose, c'était la même chose. Ce qui est important, vous voulez que je vous le dise, ce qui est important... C'est que nous étions dans un groupe qui était l'armée française. Vous avez entendu? Nous étions dans un groupe, c'était l'armée française. Nous n'étions pas des maquisards. On peut nous appeler des maquisards. Nous avions des chefs, des adjudants, des sergents, des caporaux, qui étaient tous des gens de métier. Vous m'avez entendu? Des gens qui en avaient gros sur la patate de ce qui s'était passé. Et ils se conduisaient comme ça. Et Gandouin, de ne pas avoir voulu accepter d'argent pour nous, eh bien, je le remercie, vous m'avez entendu. Je le remercie, on n'en aurait rien fait de la somme qu'il nous aurait donnée. Qu'est-ce que deviennent les hommes qui ont participé à l'opération, une fois les milliards de Neuvik parvenus à destination, à Saint-Brieuc? Ben, rien de particulier, ils vont vaquer aux occupations des résistants de l'heure. Il est encore temps le 26 juillet pour se faire tuer, et un certain nombre le seront. Et au cours de mes recherches, j'ai retrouvé la constitution des groupes de l'époque. Et j'ai retrouvé aussi un état d'émargement, qui va permettre un petit peu de lever des ambiguïtés, car on a dit pendant longtemps, ce sont les résistants qui se sont partagés l'argent. Alors, évidemment, c'est complètement faux. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les 150 qui ont participé à cette opération ont reçu une prime. Une prime de risque, on pourrait dire. Une prime exceptionnelle. Et cette prime est quand même relativement équitable, car elle est faite indépendamment du grade des intéressés, mais par contre en tenant compte de leur situation de famille. Donc un maquisard, quel que soit son grade, mais qui n'a pas d'enfant, reçoit 1000 francs. S'il est marié, qu'il ait deux enfants, il reçoit à peu près 2500 francs. Au total, ils sont 150 d'avoir fait cette opération, ils touchent en moyenne 2000 francs. Donc il va y avoir une somme de 300 000 francs qui va être préemptée sur les 2 milliards 280 millions. Mais vous aurez remarqué qu'après cette opération, il restera encore 2 milliards 279 millions et 700 000 francs. Donc la part de la résistance a été tout à fait marginal, évidemment. Négligeable. On peut s'attendre à ce qu'une certaine évaporation se produise dans ce contexte historique troublé. L'opération a lieu le 26 juillet 1944. La région est libérée à peine un mois après, de toute façon. Oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des évaporations, mais quand on transporte des quantités aussi importantes, quand il y a un sac qui disparaît, est-ce que ça se repère immédiatement? Si on s'en aperçoit 15 jours ou 3 semaines après, est-ce qu'on a le temps à l'époque de faire une enquête pour remonter la chaîne et voir à quel moment il a disparu? C'est très compliqué, quoi, je veux dire. Et puis c'est de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est quand même que de l'argent liquide. Et l'argent liquide, par définition, ça ne laisse pas de traces. Et pour en retrouver la trace 50 ans ou 60 ans après, c'est peine perdue, quoi. Ça a l'air d'être un souvenir assez joyeux pour vous, Gilbert Duchose. Ah, mais pour moi, c'est un grand souvenir. Ça a été considéré par les historiens locaux de la Résistance comme un des plus grands hold-up de tous les temps. Vous vous rendez compte? Ça a dépassé le grand hold-up de, je sais pas, de Londres, je crois, de Glasgow, là. Et, alors, il fallait voir. Mais moi, ce qui est formidable, c'est que j'ai vu ces milliards, je les ai vus devant moi, ils m'ont passé sous le nez. Alors, j'ai vu passer cette belle fortune devant moi, oui, je peux le dire. Alors, on est beaucoup. 2 milliards 280 millions de l'époque. C'est colossal. Ça représente une belle pyramide dans les bois de Cendrieux, la prise de Neuvik. On a des photos assez étonnantes de Maquisard assis dessus. Oui, ça représente une belle pyramide, mais ça représente aussi une somme qui était complètement inattendue, puisque on peut préciser que au tarif actuel du lingot d'or, je rappelle que c'était des billets pour lever toute ambiguïté, tellement les esprits ont été affectés par l'or. Non, ce sont des billets. Mais à la valeur actuelle du lingot d'or, ça représenterait 33 tonnes d'or. Bon, en termes de billets, ça représente 4,5 tonnes de billets. Donc ça représente physiquement un beau tas. Mais ça représente surtout numériquement un beau tas. Ça représente 1 ou 2% de la masse monétaire en circulation à l'époque. C'est une histoire qui vous amuse, le train de Neuvik, Jacques Lagrange. Ah, qui m'amuse. Elle est assez réjouissante. Mais ça dénote un certain nombre de choses qui sont très précieuses dans l'analyse que l'on peut faire de cette période. Premièrement, c'est le grand souci d'une administration française qui poursuit son travail, la Banque de France. Deuxièmement, à la tête des maquisards, il n'y a pas que des cerveaux brûlés ou des têtes brûlées, comme souvent on veut le raconter, même encore aujourd'hui. Il y a des hommes qui savent penser, comme Gaucher. Il y a un sang-froid extraordinaire. Tout se passe dans le calme, le train repart, et puis il y a un argent qui est arrivé à bon port, même si certains sacs, mais sur 150, on peut se permettre d'en échapper, d'en avoir un ou deux glissés entre les mains. Il y a un respect de cet argent public qui est arrivé à bon port, qui est comptabilisé dans les premières heures, hein, les premiers temps. Après, ce qui va se passer, c'est un peu plus flou. Il n'était pas mu par une volonté de lucre, ces garçons-là. Il faut absolument tordre le cou à ces idées que ce sont des gens du secteur ou les maquis qui se sont partagés cet argent. 90% de cet argent a atterri en dehors de toute rémunération de service rendu, pour pas dire 98%. Mais sur l'argent restant, évidemment, plus de la moitié n'est pas allée à la résistance elle-même. Et c'est bien là tout le problème de cette affaire qui pendant longtemps a été occultée et dont on sait désormais que c'est dans un consensus absolu et dans une complicité totale que les partis politiques de la 4e République se laissent partager, même si, pour la forme et pour la galerie, des enquêtes étaient organisées. Il y a un grand hiatus, Jean-Jacques Gillot, entre l'abnégation de ceux qui ont exécuté l'opération, la prise des milliards de Neuvik, et évidemment la répartition ultérieure. En fait, les rapports qui sont rédigés, qui ne sont pas toujours publiés, tentent de clore l'affaire à chaque fois. Alors, effectivement, il y a un énorme hiatus entre les motivations, qui sont des motivations patriotiques, de jeunes pleins d'alarme, et la terminaison véritable de cet argent. Et le problème, c'est que l'énormité de la somme a en quelque sorte provoqué les problèmes induits, car la résistance aurait eu besoin de beaucoup moins d'argent, à condition qu'elle l'ait plus tôt. Et là, c'est l'image de la résistance qui aurait pu mourir sous cet argent. Car entre les motivations patriotiques qui ont animé les hommes et le profit matériel, personnel et idéologique qui a animé les autres, effectivement, les choses sont de l'ombre, on passe de la lumière et de l'honnêteté aux affaires que nous connaissons et qui n'ont pas cessé depuis. Car au travers de cette affaire de financement induit des partis politiques après-guerre, est né un processus d'industrialisation de financement des partis politiques qui n'aura de cesse de continuer et auquel tous se sont livrés, ce qui explique que même dans les moments les plus chauds de la Quatrième République, personne n'a jamais attaqué personne et certains dirigeants politiques ne sont pas loin d'avoir des moyens qui sont assez inattendus. Donc, toute cette... C'est ça qui vous scandalise, voilà, Jean-Jacques Gillot. Cette complicité. Mais est-ce qu'il aurait pu en être autrement, connaissant un petit peu l'espèce à laquelle nous appartenons l'énormité du reliquat du train de Neuvik? Je ne dis pas qu'il aurait pu en être autrement. Je pense que la nature humaine est suffisamment faible pour renouveler de tels errements. Mais qu'on ne nous présente pas comme étant la démocratie définitive et incarnée, des organisations qui n'avaient de cesse, derrière une façade résistante, que de préparer des projets d'avenir qui se sont terminés dans la décrépitude de la Quatrième République. Car si ça avait encore servi la vie démocratique, et si ça avait réglé les problèmes, ça aurait été bien. Pourquoi pas? Après tout, même l'investissement aurait pu être faible. Mais enfin, il a quand même fallu le plan Marshall. Il a quand même fallu des mesures de Pierre Mendès France et ensuite le retour de la Ve République pour mettre un petit peu l'ordre dans une zizanie organisée où des chambres duraient 3 jours, où des sous-secrétaires d'État aux poireaux et aux choux farcis se faisaient des carrières. C'était quand même scandaleux. Alors, actuellement, j'ai bien l'impression, je ne veux pas faire de politique fiction, mais enfin, j'ai bien l'impression que nous avons une propension à revenir vers ces moments-là. Eh bien, franchement, je ne trouve pas que c'est une avancée démocratique. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas au niveau des combattants que la morale a été mise en cause, c'est au niveau des politiques qui se trouvaient derrière eux. Le général de Gaulle estimait qu'environ 15 milliards de francs auraient échappé au trésor public et auraient bénéficié aux forces de la résistance pour des motifs tout à fait plausible de survie de ces organismes-là. Il n'en doutait pas, mais il estimait à 15 milliards. Or, vous voyez, Neuvik n'en fait qu'une petite partie. Et quand on réfléchit bien, pour subvenir à tous les besoins des gens qui étaient dans la clandestinité, ce n'est pas invraisemblable. Mais hélas, ça semble avoir pris d'autres directions, puisque cet argent a servi beaucoup plus à des organismes qui prennent naissance justement en la libération qu'il aurait servi à nourrir les maquisards. Question de chronologie. Oui, mais c'est un autre mouvement. La France est alors libérée. Il y a d'autres hommes qui aspirent au pouvoir et qui vont le prendre et qui ont des besoins colossaux. Et ils vont chercher comment les satisfaire, ces besoins. Et c'est l'argent de la résistance qui va y subvenir. C'était Neuvik, 58 minutes d'arrêt. Second épisode, la volatilité de l'argent liquide. Avec Gilbert Duchose, cheminot, Jean Boussary et Jean Faucoulanche, participant à l'arraisonnement du train, Jacques Lagrange, historien, Jean-Jacques Gillot, historien. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, prise de son François Rivalan. Une histoire particulière, Anne-Laure Chanel, Yvon Croisier, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'enfants sauvages, mais c'est une autre histoire.